Bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ça ne serait pas de l'impro. Je suis Michel Lambrou. Et je suis accompagné de Bartolome Super pour ce podcast d'improvisation. Mamie Annabelle. Bonjour. Et de Bartolome. On a bien préparé, c'est de l'improvisation, mais c'est surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que vous entendez, ce que vous allez entendre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on n'a rien préparé, ou sur Facebook, on n'a rien préparé. Si vous avez compris ce qu'on a dit, envoyez « J'ai compris » au 3637. Si vous n'avez pas compris ce qu'on m'a raconté, envoyez « J'ai pas compris » au 3637. Voilà, ce serait fou que les gens voient ça. Ce serait fou que les gens voient. Bien compris, au 36-37. Oui, c'est ça. Ils nous fassent des petits clips vocaux. En version du. toujours en forme. Mais oui. Eh bien, on a préparé, c'est un podcast d'improvisation, donc nous allons jouer des scènes où nous ne savons pas vraiment ce que nous avons joué. Nous allons faire inventer sur le moment, avec quelques petites contraintes, pas piquer les hannetons parce qu'on trouve ça rigolo. C'est rigolo, les hannetons, quel nom d'ailleurs, bah, déjà. Un caneton raté. Ça a déjà duré beaucoup trop longtemps. Oui. Hein. Aïe, aïe, aïe, Manu et ses petits pads. Elle n'en peut plus de toucher sur tous ses petits boutons. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, nous avons aujourd'hui l'épisode 29, donc bientôt 30. Bientôt 30. C'est déjà pas mal, hein. 30-03. Quel beau chiffre, quelle belle performance. Regardez, parce qu'à mon avis, on n'est pas très très loin de l'épisode du centième épisode de l'émission. Quoi. On l'a pas dépassé déjà, parce qu'on en avait 39. Je crois qu'on en avait 39 la saison dernière. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'on doit s'approcher. Ouais. Faudra qu'on fasse un petit compte. Effectivement, bien vu, bien vu. Eh bien, en tout cas, nous allons faire trois scènes improvisées. Et la première est présentée par Ise. Oui, c'est moi. Je suis fatiguée, alors je fais des cœurs avec mes bras dans l'air. Et je vais vous proposer une improvisation naissance d'un proverbe. Le concept chouette. Est bien simple. Au lieu de vous donner un thème, un titre, un mot, je vais vous donner un proverbe. Et je veux que vous me racontiez, mais comment ce proverbe est né ? De la façon la plus crédible et réaliste possible, c'est sûr. Ok ? Ok. Eh bien, le proverbe... être crédible et réaliste ? Non, non. Surtout pas. Regarde, la dernière fois, c'était super crédible et réaliste. T'es réaliste ? Non. Si. Si ? Bah... Oui, c'est vrai. Saugrenu, mais réaliste. Il n'y a rien de fantastique. C'est vrai que la vache ne s'est pas mise à parler ou quoi. Donc, ouais. La vache n'a pas fait... Oh merde, une onction, voilà. Et donc ? Pourquoi ? Je vous propose le proverbe suivant. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouf. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Dites-le 10 fois très vite. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est parti. Jacques. Eh oui. Jacques, que faites-vous ? Je déblaye le jardin. Vous déblayez le jardin ? Eh oui. Par un jour d'avril. Bah oui, le printemps est à nos portes. Il faut que le jardin soit prêt à être semé si nous voulons avoir une récolte. Eh bien, je vous félicite. Ah, merci. Jacques, je vous félicite. Ah, merci, maître. Et que faites-vous là précisément avec ce... J'enlève les pierres. Vous enlevez les pierres ? Les pierres, car les pierres sont mauvaises pour les graines et les racines. Oui, et puis surtout, c'est vrai que c'est ces petits végétaux qui ont poussé dessus à la faveur de l'humidité pré-printanière ne sont pas très esthétiques. Moi, j'aime bien. Vous aimez la mousse ? Oui, c'est doux, c'est confortable. Quand c'est pas mouillé, c'est très confortable. Comme un petit coussin. Ah oui ? Oui. Oh. Oui, je trouve ça très inesthétique. Oh. mais regardez ce que vous avez fait. Quoi donc ? Mais en retournant la pierre, la mousse qui était dessus est partie. Elle est juste de l'autre côté, maître, regardez. Mais non, regardez, elle s'est détachée. Oh ! Oh non ! Mais c'est formidable. Oh non, j'ai saccagé le coussin. Mais, oh le coussin oh, oh. Mais non, mais justement, Jacques, vous avez détaché le coussin de la pierre. Maintenant, vous pouvez récupérer ce petit coussin de mousse. Je voulais m'asseoir sur la pierre. Oh. Maître, c'était une catastrophe. Où est-ce que mon séant pourra se poser alors, Jacques, est-ce que vous souhaitiez donc privatiser la pierre dans votre petit cagibi? Ah, mais je ne sais pas, non, dans un coin du jardin. Eh bien, écoutez, maintenant que cette pierre est débarrassée de cette mousse très inesthétique, elle est redevenue esthétique, alors je vous prierai de la remettre à sa place. D'accord. Et vous pouvez prendre cette petite mousse accumulée, peut-être vous en faire, je ne sais pas, un petit canapé, un petit hamac, quelque chose. Oh oui ? Oui. Oh merci, maître. Mais écoutez, merci. Il me semble que nous avons retenu une leçon bien utile pour les prochaines fois. Plutôt que de retirer les pierres, vous les ferez un petit peu rouler. Ainsi, la mousse ne s'accumulera pas sur elle et nous pourrons les maintenir dans notre belle présentation jardinière. Il n'y aura plus de coussin alors. Non. Il n'y aura plus de coussin. Non. C'est un petit peu entre un N et un D. Non. Moi, ça me fait vachement penser à... Ah, on a un chien. Ah oui, il y a de ça. Il y a de ça. C'est donc ça. C'est vrai qu'il était géniard, ce personnage. Oui. Oh, fort géniard. Il était chou. Oh, coussin. Oh là là. Oh là là. J'ai envie d'un coussin maintenant. Un coussin de mousse ? Un coussin de mousse. Écoute, fais tourner des pierres. Merci, Hicham. Voilà, fais rouler les pierres, elles n'amasseront pas de mousse et tu pourras... J'ai un coussin tout plat maintenant dans ah oui, mes mains. Il a l'air très confortable. Hein. Plein de... Ah, elle ne va même pas s'asseoir dessus. Je croyais qu'elle voulait s'asseoir dessus. Ah non, c'est pour le tenir dans mes bras. Ah, ok. Ah. Tu veux un vrai coussin ? Tout comprenne. C'est trop... Quoi ? Et je crois qu'elle veut qu'on lui ramène un plaid, une bouillotte. C'est ça. Et qu'on la laisse tranquille. Laissez-moi. J'ai choisi le mauvais métier quand même. J'ai pas choisi ça. Le métier qui me permet le plus de me poser dans la vie. Non, c'est vrai. Ce serait quoi le métier qui permettrait ça? Il y a des professionnels qui sont des professionnels de câlins. Leur rôle, c'est de donner des câlins aux gens. Est-ce que ça s'apparente à du... Enfin, quelque part du travail du sexe, quelque part. Et bien justement, il y a eu un débat là-dessus, mais je ne sais plus quelle était la conclusion. Est-ce qu'un câlin, c'est du sexe ? Ah. Bah, ça dépend, mais j'espère. Ça dépend. Que... Ça dépend ça de peut. Quoi. Ça peut. Ouais. Iseu est à la fois pour et contre. Mais non, je non, suis ouais. Dans mon. Oui. Mais. J'ai cassé Iseu. La matrice est. Bref, c'est pas moi qui présente. Mais hein. Non, c'est Hicham. Ah oui, c'est vrai, c'est mais moi. Oui, c'est toi. Oh, j'attendais. Mais oui. Oh là, mais putain, un peu de chaos. Un peu de chaos, un peu de discussion, bon sang, hein, un peu de d'échange humain de personnes, c'est marrant, non ? Et nous allons continuer avec la deuxième improvisation du jour, présentée par Manu. Oui. Et je pense que le public l'attendait depuis longtemps. Et oui. L'attendait avec parce impatience. Que c'est la suite tant attendue de cette saga dorénavant fameuse. Ah. Sibyl et Monsieur. Moi, je suis pas sûr que je l'attendais vraiment tout ça. Oh, si. Plus ça avance, plus c'est n'importe la quoi. La campagne JDR de On n'a rien préparé qui continue. Bientôt le crowdfunding. Oh, Dieu. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent... Je l'appellerai Critical JDR. Critical JDR. Sibyl avait trouvé le fil d'or qui, d'après la légende, permettrait de sauver le gouvernement ovin du déferlement des manchots venus des glaces éternelles. Comment ? On ne sait pas. Oh, non. Monsieur, de son côté, devenu un écureuil domestique, avait rencontré et sympathisé avec ses semblables. Nous retrouvons ce duo aussi improbable qu'attachant, sur le point de lancer l'assaut sur la capitale ovine, si belle. Oui, je suis assez fier du nom que j'ai trouvé. Et il y a du brouillard. Il y avait du brouillard, mais il s'est levé depuis. Ah, d'accord. Il se levait sur peut-être une armée d'écureuils domestiques. Et, des quelques moutons que Sibyl, la bergeronne, a pu rassembler. Ça, on ne sait pas. Peut-être que Sibyl... Je suis très fatigué. Et monsieur sont seuls sur ce plan d'ouverture de ce qui sera peut-être le dernier épisode de la première saison des aventures de Sibyl et Monsieur Monsieur. Souvenez-vous quand ça avait commencé avec un skateboard. Nous en sommes loin. C'est vrai, et ça. C'est peut-être mieux comme ça. Ou pas, je ne sais pas. Attention, c'est parti. Sibyl, croyez-vous vraiment que c'est une bonne idée de m'attacher à la catapulte? Mais évidemment que c'est une bonne idée! C'est toujours comme ça qu'on gagne les guerres, en sacrifiant les meilleures parties et les meilleurs éléments! Sibyl, voyons, j'entends que vous n'avez pas beaucoup de ressources, mais quand même, les écuries domestiques sont mon peuple, vous n'allez pas tous nous projeter sur la muraille! Mais vous êtes si inutile et si laid! Et puis le fil d'or me l'a dit dans mon oreille. Il m'a dit, attache les écureuils domestiques et toutes les créatures que tu détestes, et les moutons vaincront! Je vois qu'il n'y a... Il est impossible de raisonner avec vous. Non! Eh bien alors, allez-y, appuyez sur le levier, projetez-moi sur la muraille que je fasse un petit éclat de fourrure et de tripes rouges et sanglants. Et c'est l'heure de lancer le premier dé de la partie. Est-ce que Sibyl va réussir successivement à lancer Monsieur Monsieur contre la muraille? Eh bien non. Mais il va arriver quelque chose de positif, c'est qu'en fait, Sibyl va lancer Monsieur Monsieur trop haut. Et Monsieur Monsieur va pénétrer dans les défenses manchottes d'une manière tout à fait subreptice. On continue. Attention, je coupe le fil dans 3, 2, 1, snip! Les autres écureuils aussi! Ouais! J'ai survécu. Monsieur, est-ce que ça va? Ça va? Où sont les autres? Oh non! Nous sommes là. Oh, des nôtres ont été réduits en bouillie. Vous voyez, c'était une erreur de suivre Sibyl. Je vous l'ai dit depuis le début. Vous n'auriez pas dû me ramener à elle. En attendant, nous sommes là. Il faut que nous en sortions. Elle vient de dévoiler notre plan à tout le monde, c'est ça? Oui, oui, on t'a vu. Alors, les morceaux sont là! Vite, vite! Est-ce que Monsieur Monsieur et ses autres écureuils domestiques parviendront à vaincre commando. La légion de gardes prétoriens manchots? Non! Ben, non seulement. Surprenant, tiens. C'est les dés qui décident. Ouais. Non, et non seulement vous n'y arrivez pas, mais vous allez être faits prisonniers tous. Et pendant ce temps-là... Tu as bien fait, Sibyl. J'ai bien fait. Oui, maintenant, les écureuils domestiques sont hors de notre chemin. Oh, je le savais, Fildor, je le savais. Grâce à toi, je vais supplanter tout le monde et les moutons seront la seule espèce qui restera avec moi, dernière humaine et Monsieur Monsieur. Sibyl, il faut que tu lances l'assaut à présent que la garde prétorienne est occupée par les écureuils domestiques. Évidemment, Fildor. Belle trois fois, Sibyl. Et le grand mouton répondra. Si, ton bêlement est assez bon. Je m'en vais bêler. Belle! Belle! Belle! Est-ce que le bêlement est assez bon? Oui, le bêlement est assez bon. Oh, et putain, le grand. Tu dis un cheval, mais c'est pas la fin. Oui, eh ben écoute, c'est pas nous qui jugeons, c'est les dés. C'est le grand mouton. Et le grand mouton va répondre. Qui m'appelle? Votre humble servante, grand mouton. Rejoignez les écureuils domestiques et détruisez le roi manchot. Quoi? Détruire la ville? Je jurais que plus jamais je n'userai de violence. Mais c'est pour la domination des moutons sur le monde entier. Et tout ne sera que coton, laine et douceur. Non, dans ce cas, je peux téléporter votre armée de moutons à l'intérieur. Oui. Pendant ce temps-là, dans les geôles des manchots. Monsieur, monsieur, qu'allons-nous faire? Il n'y a plus rien à faire. Comment? Sibyl est ingérable. Vous laissez le désespoir vous envahir? Pas le désespoir. C'est l'inverse. Une force de décision implacable. Oh, nous devons arrêter d'essayer. Nous devons espérer que Sibyl se casse les dents sur la muraille ou se torde la cheville et se cogne la tête contre un caillou en tombant. Qu'elle soit mise hors d'état de nuire, mais nous ne pouvons rien essayer. Il faut attendre que seul le destin s'en charge. Est-ce que le destin s'en chargera? Est-ce que, par le renoncement à l'essai, monsieur va finalement accomplir quelque chose et réussir? Eh bien oui! Oui! Il y arrive. On continue. Ah! Mais... ces écureuils sont bien silencieux. Je vais aller voir ce qui se passe. Alors les écureuils, qu'est-ce qui... Vous ne faites plus rien. Vous n'essayez pas de... Non, arrêtez, non, je... Oh, la force de votre décision tenderait à faire... Et la porte vient de s'ouvrir alors que, très étrangement, le manchot s'est étranglé dans sa propre salive. Allez-y, monsieur, allez-y, monsieur. Moi je reste ici. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Je ne dois plus rien faire, juste espérer, attendre et accepter, me plier aux vagues du destin comme un roseau sous le vent. Et nous revenons à l'assaut de Sibylle une fois qu'elle s'est téléportée proche de la salle du trône. Ah, nous y voilà ! Il est temps que je détruise toutes les pierres et tous les manchots. Sibylle, vive la bergeronne. Vive la bergeronne, c'est moi, filme-moi et... Mais quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Non, arrête. Est-ce que l'assaut de Sibylle sera victorieux? Oui, l'assaut de Sibylle va réussir, elle va parvenir à renverser le grand manchot. C'est parti. Grand roi manchot, vous voilà enfin. Sibylle. Oh, vous avez la même voix que le dieu des moutons. C'est très étrange. Mais pas du tout, voyons. Je vais vous vaincre, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas avec votre voix charmeuse de mouton que je ne vais pas vous exécuter, grand manchot. Sibylle. Oui, Fildor. Tu dois frapper dans son point faible. Bien entendu, c'est son bec. Non, Sibylle. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il attend que tu fasses. Oh, lance des glaçons par la fenêtre. Il sera attiré par le froid, devra les suivre. Sibylle, c'est ça, le seul point faible des manchots. Merci, grand Fildor, merci. Alors, Sibylle, viens, affronte-moi. J'allais... Frappe mon bec, si tu veux. Je vais frapper ton bec, mais d'abord... Schkunk. Qu'est-ce que... Des glaçons dans ma poche. Oh, c'est beau, ça luit, ça coule. Et regardez. Non, oh, mon sang me pousse à sauter par... Oh, oh, par-dessus la muraille. Et voilà. L'assaut de Sibylle est victorieux. Monsieur se transforme en espèce de moine renonçant au monde pour s'enfoncer dans les abîmes de la langueur méditante. Je crois que c'est parfait pour couper là et voir ce qui arrivera au prochain épisode des aventures de Sibylle et Monsieur. C'est beau, c'est fort. Alors actuellement, Hicham lève tellement les yeux au ciel, on voit plus ses iris, c'est incroyable. Non, c'est ça. Je ne vois plus que son menton, personnellement. Ça va trop dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais franchement, cette espèce de dictature du fil d'or qui va s'installer. Oui, j'avoue. Qu'on a la matière en fait, c'est Manu qui fait toute l'impro. Oui, c'est tout à fait. C'est lui qui décide aussi tout ce qui se passe, qui dit au personnage de Sibylle qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais, tout à fait. C'est juste, en fait, elle a fait un takeover. Elle a fait... Hop là, ouais. Hop là, une prise de pouvoir silencieuse comme ça. Ouais, c'est ça la dictature. Hein, c'est le grand remplacement. C'est le MJ qui joue les persos. Et le pas MJ fait genre juste. Et tu vois les gens qui restent assis à regarder MJ faire les dialogues tout seul. Elle a le choix, de suivre ce que le fil d'or lui dit de faire ou pas. Et t'aurais pu jouer le fil d'or. Il ne tenait qu'à toi de faire une voix comme ça. J'avais eu comme ça une campagne de jeu de rôle. Où le MJ Ça y est, on raconte nos campagnes de jeux de rôle. On est des vrais rôlistes. Mais il y avait un PNJ qui s'appelait genre Jacques-Pierre. Et Jacques-Pierre était le plus cool du monde. Et quoi qu'on fasse, il y avait toujours Jacques-Pierre pour le faire mieux que nous. Non. Et ça, c'était horrible. Et dès qu'on avait un problème, il y avait Jacques-Pierre pour le résoudre. C'était le Deus Ex Machina de tout. C'était tout, mais en plus cool. Je déteste ce mec. Ah oui. Je déteste Jacques-Pierre. Ce mec, genre le MJ Non, ou non, pas le MJ, mais je déteste Jacques-Pierre. Oui, c'est un problème très récurrent en campagne de jeu de rôle. Le PNJ magique. Je comprends pas. Oui, le PNJ qui fait tout mieux. Je comprends pas les MJ qui font ça. Ouais, moi, je ne le ferai jamais. Jamais, jamais. Jamais je ne placerai un PNJ qui vous dit comment tuer des grands méchants comme ça, par des moyens tout à fait détournés. Est-ce qu'il s'appelait absurde. Jacques-Pierre, le dieu des moutons? Alors, c'est pas le dieu des moutons, c'est le fil d'or. Il y a eu aussi un dieu des moutons. Ouais, il y a eu le grand mouton. Mais le grand mouton, tu vois, il faisait frut, frut, parce qu'en fait, il avait des ailes. Oui, il a des ailes de chimère comme ça. Oui, voilà, mais c'est d'office. Ça. Fils. Ben, peut-être que c'est le dieu des moutons. Peut-être, on ne sait pas. Je suis très fatigué. Ou peut-être que ce n'est qu'une pièce dans un échiquier plus grand. Je suis épuisé mentalement. Et puis, il n'y a rien qu'à toi de passer à l'impro. Oui. Nous allons passer à l'impro suivante, qui est présentée par moi, si je ne m'abuse. Ah ben voilà. Je suis pas très souci. Il s'agit d'une abécédaire. Une abécédaire, donc une improvisation. Vous allez faire vos répliques avec. Commencez vos répliques avec les lettres successives de l'alphabet jusqu'à ce que vous en ayez fait le tour. Je vais vous donner un petit mot pour ça. Bim bam boum. Bim bam boum. Ce n'est pas le mot. Ça fait boum. Hop. Alors, votre mot sera alligator. Et vous allez commencer avec la lettre O. Oh. Oh. Et okay. C'est parti maintenant. Pas une bonne idée de t'approcher. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un tout petit alligator. Rachel, ça va? Mais je t'avais dit de pas le faire, enfin. T'as de la chance d'avoir gardé ta main. Silence, tu t'énerves pour rien, ça repoussera. T'as toujours des idées de merde et après ça se retourne contre toi. Allez, donne-moi ta main, je vais te soigner. Rien qu'une toute petite blessure, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il te manque un doigt et cet alligator a bouffé ta phalange. Si tu veux récupérer ton doigt, il va falloir qu'on aille dans son estomac. Oh. Une minute. Je te trouve un petit peu jugeant face à ce bébé alligator. Moi, je pense que je veux préférer vivre sans mon doigt et avec cet alligator et sans toi. Voilà, moi je me barre d'ici, je veux plus rien avoir avec toi. Voilà, c'était la dernière fois. Avant de partir et de mettre fin à notre amitié, tu vas t'excuser à ce petit alligator. Il y a des moments vraiment. Je me demande ce que je fais encore là. Et d'ailleurs, je ne m'excuserai pas à cet alligator. Je n'irai pas récupérer ta phalange. Je ne vais pas te soigner. Je vais juste gonfler ce pneumatique et partir de mon côté. Et on n'entendra plus jamais parler l'une de l'autre. Et ce sera beaucoup mieux comme ça. Zzz, pique. Et comment tu vas faire maintenant sans ton pneumatique? Ah, voilà. Ah, c'est super. J'ai vraiment... Bah voilà, maintenant tu t'excuses et c'est tout. C'est comme ça que je t'ai élevé. C'était la dernière fois, tu sais quoi, voilà, je vais me mettre à l'eau et viens petit alligator, petit, oh. Allez petit, il y a un petit snack qui t'attend, allez. Dis donc, mais tu essaies de retourner mon alligator contre moi? Et aïe, ah, et voilà, ah, et bientôt il m'aura bouffé et j'entendrai plus jamais parler de toi. Et ah, aïe, Gérard, tu fais n'importe quoi, voyons, regarde, il a bouffé ton bras, maintenant il est en train de bouffer ta jambe et bientôt il restera plus que ton globe oculaire. Voilà, il te faut de l'aide? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu jamais, es en train d'appeler jamais, à l'aide? Jamais, surtout pas de toi. Je ne veux pas... La petite alligator, bien joué. Ce n'était pas quelqu'un de très utile, au final. Non, on ne l'aime pas. On va vivre tous les deux et je te nourrirai un doigt après l'autre. prépare-toi, Alligator, avant qu'elle te fasse ça, vite. J'ai l'impression que le début a été un peu compliqué. J'ai entendu du S, puis du R, puis des trucs. Ah ouais? Ouais, j'ai, à un moment, j'ai peu suivi. C'est le moment du U, j'étais... Quoi? Avant, il y a eu des, trucs chelous. Ah ouais? Ouais. Bon, voilà. Genre, il y a eu O, et il y a eu un R, et ensuite, on a eu le Q, et des trucs comme ça. Ah ouais. J'ai eu l'impression. Ça demande une vérification. Voilà. Par l'écoute. On verra. Nous ne le saurons que plus tard. Rendez-vous au montage. On va étaler toutes nos fautes. Nos grandes fautes. Et on compte des points. C'est Et ça. Celui qui a le moins de points. On gagne un t-shirt. Quoi? Oh, waouh. Waouh. Okay. On gagne les points avec des fautes, donc celui qui a moins de points et donc le moins a une récompense. Ouais. Wow. Je pense que c'est comme ça que ça devrait marcher, mais bon voilà. Je pense qu'il faut aussi faire aussi au prorata des décrochages. Ah ouf, hein? Ouf, ah oui. Je sais pas qui gagne ou perd d'ailleurs. Oui, ça devient. Ah, oui, peut-être. Eh bien, c'était la troisième et dernière improvisation de cet épisode. Et je passe la main à Ise pour son coup de cœur. Oui, et ben moi, mon coup de cœur, c'est pour un coup de cœur alimentaire. Ces derniers temps, je n'arrête pas de manger des gnocchis. Alors je pense qu'il est temps que je fasse une ode aux gnocchis. Ces délicieuses pâtes à base de patates. C'est des patates, patates. Bah, si vous n'en avez jamais mangé, mangez-en. Si vous en avez déjà mangé, mangez-en encore. Ce qui est très pratique, c'est que ça peut être cuit soit à la poêle, soit à l'eau. Et vous pouvez y mettre autant de choses que vous voulez. Et c'est quoi ta signature recette de gnocchi? Alors moi, ma signature recette, c'est gnocchi avec du steak de seitan en petits dés, avec une sauce pesto, parmesan et crème fraîche. Oh. Voilà. Manu essaie de troller un peu et maintenant, la voilà, l'eau à la bouche. J'ai la dalle. Et un peu de pic-pic dedans parce que j'aime bien ce qu'il y a. Genre un hérisson. Oui, j'y mets un. Une brosse. Elle met une brosse dans sa sauce. Et là, oh, ça pique. Oh, ça pique, pique. On est d'accord que les sauces qui piquent, ça s'écrit K-I-P-K-Y-P-K-Y-P-K-Y-P-K. Québec. Une sauce Québec. Ah, c'est typique. Oh. Est-ce que c'est une question hein, c'est vraiment est-ce que c'est fini ou pas le... Oui, j'ai fini. Ah OK, d'accord. OK, je crois pas... qu'on meuble en attendant. OK, d'accord. Non mais j'ai l'impression que c'était Nous divaguions. Manu, quel est ton coup de cœur aujourd'hui? Alors mon coup de cœur, c'est pour une série de bandes dessinées qui s'appelle Akira par Katsuhiro Otomo. J'espère que je prononce bien. Alors, j'ai découvert le film Akira il y a à peu près 2 ans, au moment où le BIF avait fait une édition en ligne. Seulement, il y a deux ans. J'en avais beaucoup entendu parler avant, mais je l'avais jamais vu. C'était un peu sur ma... En fait, j'avais acheté le premier tome de la BD, genre 1 an avant, et puis il traînait là dans un coin avec les 1000 livres que j'ai encore à lire. Et donc, j'ai découvert le film, et j'ai adoré le film, et puis on m'a dit, non mais tu verras, la BD est encore mieux. Et du coup, j'ai découvert et dévoré les 6 tomes de la série des années 80 qui a inspiré le film. Et effectivement, c'est de la grosse bombe. Alors, le pitch est un peu compliqué, mais ça va. Ouais. Donc, en fait, bonne chance. Dans une Tokyo futuriste qui se remet d'une explosion aussi étrange que meurtrière qui a laissé un gros trou dans le centre-ville, Kaneda, un ado turbulent membre d'un gang de motards, tombe avec ses amis sur un étrange enfant au pouvoir télékinétique. Mais oui, je connais. Et après que l'enfant lui ait fait un truc, il y a l'armée qui débarque pour emmener cet enfant en lieu sûr et faire genre « Non, mais en fait, vous avez rien vu, il s'est rien passé. » Je ne vous en dis pas plus, mais il s'en suivra bien des choses parce qu'une des grandes qualités de la série, c'est que ça avance de ouf. Il se passe des choses tout le temps. L'action principale va hyper loin et hyper vite. Et ça fait du bien par rapport à plein de séries où on n'arrête pas de parler de grands et terribles événements qui vont bientôt arriver, mais qui n'arrivent pas avant la fin de saison parce que vous comprenez, il faut faire le cliffhanger de ouf. Là, non. Franchement, il y a ce truc où, sans vous dire qu'est-ce qui se passe, ça n'arrête pas d'avancer, il n'arrête pas de se passer des choses. Et j'ai un peu l'impression d'être dans une chouette impro où les gens osent avancer et du coup, il se passe des choses complètement folle de plus en plus parce qu'on va de plus en plus loin. Et donc, c'est vraiment très, très cool. Bon, en plus, il y a plein de personnages hyper attachants. Il y a des développements assez cool et tout. Mais moi, c'est surtout ce côté où, à chaque fois, en fait, j'ai dévoré chaque tome parce que chaque tome, t'es là genre, oh putain, Oh putain. Et chaque tome fait genre 400 pages, mais moi, à chaque fois, je le lisais en un ou deux jours, tellement je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite, et tellement ça avançait, et c'était trop chouette. Donc voilà, Akira, c'est 6 tomes. Je crois qu'en tout, ça doit être, à mon avis, on doit approcher des 2000 pages ou des 1500 pages, mais ça se lit très très vite, et c'est très très beau, et c'est très très fort. Voilà. Le film, il a changé l'histoire de l'animation japonaise. Oui, pareil. Mmh. Ouais. Bref. Bref. Je vais pas parler du film. On parlait pas du film. Non. C'est mon coup de cœur à moi maintenant. Et mon coup de cœur est pour une chaîne YouTube qui s'appelle Kurzgesagt. Kurzgesagt. Oui, c'est de l'allemand. Ça veut dire, c'est l'équivalent de en quelques mots, si on veut. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est à l'origine allemande. De très très belles vidéos avec un travail graphique, avec des dessins ultra soignés. Et si je peux faire un pitch de ce qu'ils disent, ils disent « Nous créons de très belles vidéos pour partager notre passion pour le savoir. Nous accordons beaucoup de valeur à la qualité plutôt qu'à la quantité. Et cela, toujours. Rien dans l'univers n'est ennuyeux si on raconte une bonne histoire. » Et donc, ils ont un peu un motto comme ça, avec trois éléments de credo qui sont « Avoir un impact positif sur le monde, que le savoir est une force et que prendre les faits et en faire une histoire est toujours beaucoup plus engageant. » C'est donc à la fois une chaîne YouTube, mais un studio d'animation aussi. Et donc, du coup, il y a cet élément de vulgarisation scientifique qui parle toujours sur un spectre scientifique, mais qui peut toucher à la politique, à la psychologie ou à la philo. Ils aiment beaucoup l'espace, ils aiment beaucoup les explosions nucléaires parce que c'est des événements au niveau physique un peu extrême, et donc du coup ils font genre « Et si on envoyait faisait exploser une bombe nucléaire sur la Lune, qu'est-ce qui se passerait ?» Ou « Comment est-ce qu'on peut vraiment voyager dans l'espace de manière réaliste ?» Ou encore des trucs beaucoup plus concrets, genre « Est-ce que la viande c'est si mal que ça ?» Est-ce qu'il y a un moyen de faire de la viande que ce soit pas écologiquement et à plein de niveaux un désastre ? Bref, c'est très varié, mais c'est toujours la vulgarisation scientifique. Mon coloc en est très très fan. On avait un calendrier de ça dans le salon pendant tout un temps. Ah ouais ? Oui. Mais c'est vraiment très très bien. C'est très très beau. C'est extrêmement soigné au niveau visuel. C'est très plaisant à voir. Donc, Kurzgesagt pour la vulgarisation scientifique, pardon. Voilà, je vous dis que c'est l'heure du uTip. Oui. Et pour célébrer ce cliffhanger incroyable dans la campagne jeu de rôle dont on n'a rien préparé. Mon Dieu. Je vous invite, voyageurs. Si le voyage que on n'a rien préparé se poursuit, vous plaît, d'embarquer avec nous. Ensemble, nous rassemblerons bien des gens, et il ne tient qu'à vous que notre équipée, commencée à si peu par un prompt renfort, soit bien plus nombreux. Alors propagez la bonne parole à votre famille, vos amis, vos gens de confiance, ces personnes qui pourront nous accompagner dans la grande aventure qui nous attend encore. Mais voyageurs, voyageuses, voyageureuses, il nous faut des moyens pour que notre équipement soit entretenu, pour que nous fassions appel à des franches lames qui viendront renforcer notre host. Et il me faut vous le dire, chaque denier compte. Alors, voyageurs, voyageuses, voyageureuses, allez en l'auberge uTip. Là, si vous donnez le mot de passe, on n'a rien prep. On vous donnera accès à l'arrière-salle où se trouve notre trésor de guerre encore en train de se constituer. Tout don est bon à valoir, que ce soit une petite pièce de cuivre qu'il vous reste à la fin du mois. Que ce soit une belle pièce d'or que votre tati vous a donnée en vous disant de ne pas tout dépenser d'un coup. Que ce soit ce que vous voulez finalement. Venez en l'auberge uTip. Prononcez le mot-clé « On n'a rien prep » Aidez-nous à rassembler un host formidable qui peut amener joie, bonheur, bonne humeur et progressisme sur les ondes de la Belgique et au-delà. Aidez-nous à amener du fun dans les oreilles de plus en plus de gens à la fois. Aidez-nous, voyageurs, voyageuses, voyageureuses. Et ensemble, levons les yeux vers un horizon toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fun et toujours moins préparé. Ah. Eh ben, dis donc. Je dis. Ouais. Voilà, voilà quelqu'un qui s'est éclaté beaucoup, hein? Eh ben ça. On s'en remet pas. Ah ben ça, non, faudrait pas. Les gens sont, je vois des gens à la fenêtre déjà en train de vouloir s'abonner. Mais voilà, venez en notre auberge. Quelle andouille. Quoi ? Je me retourne en plus. Ah. Mais moi aussi. Moi aussi, je fais, oh bon. Ah merde. Eh bien, ça c'est sûr, cet appel Utip, somme toute épique, eh ben oui. Pour le moins épique, que nous allons clôturer cet épisode 29 de notre troisième saison. Donc nous retrouvons Bruno Schramm, notre cher invité la semaine prochaine, notre quel cher chou. Invité du mois. Oui, quel chou, quel chou. Quel enthousiasme, quel amusement, j'ai envie de dire. Manu, Ize, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et au revoir. Bye bye.